Vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL et vous êtes toujours au 89,1 et on va rester dans l'environnement. Geneviève Gay vient d'évoquer que nos modes de transport pèsent sur notre empreinte écologique et que une façon de réduire notre empreinte écologique, c'est de troquer l'auto solo pour les transports en commun. D'ailleurs, la ville de Québec a proposé un plan de mobilité durable et ce plan vise à augmenter la part des transports en commun et prévoit notamment l'implantation d'un tramway. Seulement, le tracé du tramway ne fait pas l'unanimité quand même. Beaucoup de monde sont d'accord pour le tramway, mais là où la question de où va-t-il passer, c'est autre chose. Donc c'est avec Xavier Mercier-Mété que nous allons examiner cette question. Il est responsable de projet chez Accès Transport Vial. Bonjour Xavier. Bonjour Valérie. Alors peut-être pour situer un petit peu le contexte, bon, c'est pas la première fois que flotte dans l'air de Québec l'idée d'implanter un tramway. Est-ce que tu peux retracer un petit peu cette historique? Oui, en fait, il y a déjà eu des tramways à Québec, en fait, au 19e ouais. siècle, qui étaient des petits réseaux anciens à partir de 1898, mm-hmm. qui ont été démantelés dans les années 40, donc dans l'après-guerre, pour laisser place aux autoroutes et à la voiture. Puis depuis les années 60, ça se reparle. Est-ce que la ville de Québec devrait avoir un système de transport plus performant? Donc on a appelé ça système léger sur rail, transport régional rapide, etc. Il y a eu plusieurs tracés proposés. Avant celui du plan de mobilité durable, le dernier, en fait, c'était celui qui datait de 2003, donc c'est assez rapproché, ouais. et qui reprenait, grosso modo, le corridor des métrobus 800-801 là, qu'on connaît actuellement, qui était un peu une tentative de moderniser le transport mm-hmm. collectif déjà ouais. depuis les années 90 et comme un premier pas vers l'implantation mm-hmm. d'un tramway. Mais là, donc, le maire Labeaume l'a inclus dans le plan de mobilité durable, mais au début, quand il est arrivé à la mairie, il était assez catégorique. Non, il n'y aura pas de tramway. Bon, maintenant, il penche en faveur du tramway. Donc, même là, encore, il y a des fluctuations, mais il y a quand même, il y a quand même une évolution. Donc, dans ce plan de mobilité durable, il propose un tracé. Est-ce que tu peux nous présenter ce tracé? Où est-ce qu'il va passer, le tramway? Oui, en fait, c'est un projet différent qui est beaucoup plus basé sur le développement urbain. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui a convaincu M. Labeaume, mais c'est quelque mm-hmm. chose qui ressort de son discours. Donc, il le ferait partir de Décimoville, une première ligne, qui traversait le centre-ville de Saint-Roch. Ouais. Ensuite, qui poursuivrait sur le boulevard Charest, mm-hmm. remonterait Néré-Tremblay, emprunterait à travers l'université le boulevard Laurier, pour finir sa course sur la rive sud. Ça, c'est d'accord. la première ligne. Ouais. La deuxième ligne partirait de Charlebourg. Elle est un peu plus classique, si on veut. Donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu comme proposition. Partirait de Charlebourg, ou ouais. en fait, à la limite de Charlebourg, la 41e rue, descendrait, traverserait Exposité, la Pointe-aux-Lièvres, et ensuite irait monter jusqu'à sur la colline parlementaire et se terminerait au Grand Théâtre. D'accord. Donc, celui-ci arrive en Haute-Ville, alors que l'autre, celui qui part d'Estémoville et qui rejoint après l'université, ne passe pas par la Haute-Ville, il passe par Charest. Exactement. C'est ça qui est tique? C'est la grosse ouais. différence avec les plans antérieurement dévoilés. C'est aussi que la deuxième ligne se termine au Grand Théâtre, c'est son terminus. Ouais. Donc, terminus, tout le monde descend, si on veut. Là. D'accord. Oui, mais ça pose certaines questions. Entre autres, nous, on a examiné beaucoup la chose pour les usagers actuels. Donc, d'avoir deux lignes comme ça qui ne sont pas comme le métrobus actuel, c'est-à-dire en tronc commun, ouais. Ça veut dire qu'il va y avoir une correspondance pour plus d'usagers du transport en commun. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent arriver de Sainte-Foy maintenant qui veulent aller sur la colline parlementaire, ouais. qui vont devoir faire un transfert dans Saint-Roch. Mm-hmm. Ce qui n'est pas une catastrophe, mais... Mais Xavier, moi, j'aimerais ça revenir un peu en arrière. J'aimerais ça que tu nous expliques en quoi, finalement, un tramway serait plus efficace qu'un système d'autobus très efficace. En fait, c'est une question de passage à un mode lourd. Donc, les autobus, on prend parfois le métrobus. Soit il y a deux, trois autobus à la queue leu-leu, c'est difficile d'accéder aux zones d'arrêt, c'est un peu le bordel. Les feux de circulation sont pas bien synchronisés pour ça. Donc, c'est beaucoup de petits éléments qui font que c'est beaucoup plus efficace, en fait. Peu importe le nombre d'autobus, un tramway, c'est comme multiplié par deux la capacité à peu près. OK, mais un tramway, est-ce que ça roule sur les voies viables ou ça a un parcours particulier qui échappe aux feux de circulation? En fait, il y a différentes options pour l'implanter. Ça peut être implanté sur du gazon, en plein milieu d'un parc, si on veut, sur le campus universitaire, ça pourrait être le cas, ou à la Pointe-aux-Lièvres. Mm-hmm. Mais ça peut aussi circuler sur une rue normale, tout simplement. Mm-hmm. Mais ceci dit, c'est très facile dans un tramway d'installer des détecteurs de feu. C'est-à-dire, dès que le tramway approche d'une intersection, toup, le feu change, tourne ouvert pour le tramway. D'accord. Donc, ah. pas d'attente. À son avis, il devient très efficace. Hein. Exactement, c'est ça, parce qu'on coupe toute l'attente. Je comprends. C'est ça l'avantage. Hein? Oui, c'est un des gros avantages. Puis aussi le fait qu'on embarque par 6 portes à la fois, par exemple, ah, comme oui. dans un métro, donc c'est beaucoup plus ah, rapide. Oui. Ça arrête moins longtemps. Fluide, ouais. Ouais. Exact. Puis autre avantage aussi, on en parlait justement tout à l'heure, c'est que ça fonctionne à l'électricité. Donc là, l'empreinte écologique diminue grandement d'un seul coup. Oui, surtout dans le cas du Québec, là, les ouais, transports oui. électriques, c'est vraiment l'optimal ouais. si on veut réduire notre empreinte ouais. écologique. Aux hydroélectricités. Ouais. Exactement, oui. Puis même si ce n'était pas l'hydroélectricité, là, dans d'autres pays où ils ont de l'électricité plus sale, c'est quand même avantageux parce que par passager, c'est une infime quantité d'énergie qui est consommée par rapport à la voiture. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui justifiait finalement pour le groupe qui a travaillé sur le plan de mobilité durable, quelle était selon eux la justification de faire passer par sur Charret plutôt qu'en Haute-Ville? Mais c'était beaucoup pour stimuler le redéveloppement urbain du secteur Charret. Ouais. Ce qui veut dire ramener, densifier. Oui, en fait, il y a même l'idée de créer des quartiers résidentiels dans ce secteur-là. D'accord. Donc, c'est un secteur qui n'est pas très attirant à l'heure actuelle. Pas tellement. Pour qui le traverse fréquemment, c'est des industries, des commerces, etc., des stationnements de livraison, etc. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'était de densifier ça, puis d'amener un grand nombre de résidents sur le long de cette ligne-là de tramway. Mm-hmm. Donc, mais comment est-ce qu'on peut le rendre attrayant aussi, ce secteur-là? Mais ça, c'est une des questions qu'on pose, nous, en tant que groupe. Là, nous, on n'est pas farouchement opposés à ce projet-là, mais on se dit qu'il y a des sérieuses questions, puis il faut avoir une démonstration. Peut-être, n'est-ce pas la première ligne à faire, c'est-à-dire peut-être que la deuxième ligne qui part de Charlebourg, tout ça devrait être continué un peu plus loin, être fait en premier, etc. Mm-hmm. Pour le rendre attractif, ça va être très compliqué parce que... Bon, ça ne peut pas se changer tout d'un coup. Il y a des propriétaires privés à ces endroits-là, donc on ne peut pas tout exproprier. Est-ce qu'on peut cohabiter temporairement avec des entreprises, avec des industries quand on est un résident? Peut-être pas tant que ça. Il faut aussi des nouveaux services, des écoles, tout ça. Mm-hmm. Si on veut favoriser la mobilité durable, il faut pouvoir aller acheter notre pain de lait à pied. Puis, bon, dans ces secteurs-là, la falaise est un gros obstacle avec les secteurs déjà existants en Haute-Ville. Mm-hmm. Donc, c'est toutes des questions qui méritent d'être posées, je crois. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu c'est risqué. Finalement, on compte sur le tramway pour sur Charret pour densifier un petit peu la ville pour éviter finalement d'aller s'étendre à l'extérieur, mais en même temps, c'est pas sûr que ça marche, c'est un petit peu risqué, ce serait peut-être mieux de regarder en haut ce qui se passe, de consolider ce qui se passe en haut. Oui, il y a à consolider d'une part, c'est sûr que l'idée d'éviter l'étalement urbain est très bonne, mais on a déjà beaucoup de bouchées dans la ville de Québec à prendre, entre autres avec la Pointe-aux-Lièvres et Destinoville, qui sont selon nous déjà des très gros projets, puis on nous parle aussi d'exposité, là, de consolider tout ce secteur-là. Mm-hmm. Donc nous, on dit, d'accord, freiner l'étalement urbain, c'est une de nos priorités, parce que de toute façon, pour que le transport soit vivant, on ne peut pas continuer à faire de l'étalement urbain toujours plus loin. C'est toujours plus dur à rejoindre en transport en commun. Mais on trouve que c'est risqué comme première ligne. Mm-hmm. Ceci dit, peut-être qu'il y a des plans magiques, etc., qui peuvent sortir de ça, mais nous, on a certains doutes à ce moment-là. D'accord. On a des réserves. Mais d'un autre côté, si on veut augmenter la part du transport en commun, parce que quand même, dans le plan de mobilité durable, ils veulent doubler la part du transport en commun dans la ville. Donc, si on veut augmenter cette part-là, en Haute-Ville, il y a déjà les métropus, il y a déjà donc beaucoup de transports en commun. Donc, si on veut doubler, est-ce que c'est pas mieux d'essayer d'aller là où il y en a pas beaucoup, puis d'implanter? C'est plus facile d'augmenter là où il y a rien que là où il y a déjà, où ça marche déjà très bien. C'est un argument qu'on se fait dire souvent, qui est logique, qui est vrai aussi. Il y a des secteurs de la ville où il faut vraiment mettre les bouchées doubles, que ce soit le Bourgneuf, par exemple, où il y a beaucoup de congestion, puis la part d'utilisation du transport en commun est très faible, autour de 5%. Donc, il y a vraiment des grands projets à faire là. Mais même si on triplait la part du transport en commun, on n'arriverait pas à la cible qui est fixée au plan de mobilité durable. Non. Puis, en général, dans les centres urbains, plus on s'approche du centre-ville, là, à Québec, il y a pas uniquement un centre-ville, mais plus on est dans les quartiers centraux, plus la part du transport est élevée, du transport en commun. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose qu'on constate dans d'autres villes. Hein, à Montréal, là, au centre-ville, le matin, c'est 60% des gens qui utilisent une forme de transport en commun ou l'autre à peu près. Donc c'est très, très élevé, des travailleurs. Ouais. Donc on peut aller faire des très, très grands gains dans des quartiers comme Limoilou, Montcalm, Saint-Roch, Saint-Sauveur aussi. Ouais. Donc c'est il y a encore du potentiel. Même en Haute-Ville, où il y a les métrobus, tout ça, là, il y a beaucoup de gens qui ne le prennent pas à l'heure actuelle parce que c'est tout simplement pas assez attrayant. C'est vrai. C'est vrai que des fois, c'est quand c'est bondé puis qu'on n'a pas toujours envie de monter dedans. C'est vrai. Oui, parce que le tramway est vécu comme un outil pour attirer les gens. Dans le plan de mobilité durable, on le voit comme une espèce d'outil très, très propice pour attirer les gens. Mais c'est aussi vrai en Haute-Ville où on peut aller chercher les... en anglais, on les appelle, une mauvaise traduction, les passagers qui ont le choix. Donc, ceux qui ont un travail, qui peuvent se payer une auto, qui peuvent se payer le parking même, pour aller chercher ces usagers-là, il faut vraiment mettre la gomme, il faut avoir un service comme un métro ou un tramway, puis on ne va pas les chercher à Sainte-Foy à l'heure actuelle ou dans Montcalm. Mm-hmm, exact. Ouais. Aussi, il me semble que les chercheurs du Centre de recherche en aménagement et développement à l'Université Laval se sont prononcés aussi par rapport à ce plan de mobilité durable et par rapport au tracé du tramway. Et il me semble qu'ils abondent un peu dans le même sens qu'avec ces transports viables aussi, qui sont quelques réticences, qui se posent des questions. Là. Ils ne sont pas cons, mais ils se posent aussi des questions. Oui, ils ont fait une très bonne analyse, puis ils ont établi plusieurs critères de succès d'un tramway éventuel sur Charest. Puis ce à quoi ils arrivaient comme conclusion, c'est que tout revitaliser ce quartier-là, ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mm-hmm. Donc, on pouvait douter entre-temps que le projet soit rentable. Est-ce que ça allait nuire au décollage du projet? Si on avait un projet qui était rentable dans 20 ans, mais ça peut être plus compliqué, là, d'aller chercher des fonds pour le faire, surtout que c'est très, très cher, implanter un tramway. Mm-hmm. Donc, eux disaient, ben, ça devrait être comparé, savoir où il y a le plus grand bénéfice. Est-ce que... Ouais, finalement, c'était une étude d'affaires, un petit peu de corridor. On prend le corridor du haut, le corridor du bas, puis regarder où est-ce qu'il y a le plus de potentiel de densifier, d'augmenter le transport, le nombre de gens qui vont embarquer dedans. Oui, de diminuer les gaz à effet de serre aussi, c'est ça, pourquoi pas. Ouais. Puis la santé des gens, parce que finalement, les gens qui vont marcher pour aller le prendre, ça va aussi... ça va améliorer la qualité de l'air également. Également. Ah, assurément, oui. Donc, c'est certainement un dossier à suivre. Il n'est probablement pas clos. Pas du tout, en fait. Alors, puis on va voir comment donc le maire Labeaume intègre ses considérations et d'accès transport viable, probablement des autres organismes, j'imagine, Promo Vélo ou le centre de recherche donc à l'université. Comment est-ce que le groupe de travail sur la mobilité durable intègre tous ces éléments? Et on va voir ce qu'il en est demain. J'espère qu'on ne va pas attendre un autre, parce que finalement, ça date depuis 1960 qu'on essaie de réimplanter le tramway. Oui, exactement. Bon. Alors, j'espère qu'on ne va pas devoir attendre. On espère, nous aussi. Ça va s'accélérer un peu. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu nous expliquer donc, la question du tramway à nos studios. Donc, c'était Xavier Mercier-Mété, responsable de projet chez Accès Transport Viable. Et puis, ainsi se termine cette première demi-heure de Futur Simple à l'enquête de cette KRL. Et c'est l'heure d'aller en publicité.